Pierre Moutard, bonjour. Oui, bonjour. Pierre, on entreprend, vous et moi, une série d'entretiens sur l'Amérique latine. Oui. Ça va être fort intéressant, je le sens, je le sais. On a eu l'occasion de jaser ensemble à quelques reprises dans le passé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment, à chaque mois, on va vraiment prendre un pays ou un sujet qui va nous permettre de découvrir un aspect de l'Amérique latine. On sait les racines qu'on a avec l'Amérique latine. Il y a beaucoup de Québécois qui sont originaires d'Amérique latine. Il y a beaucoup de Québécois qui vont en Amérique latine. Il y a une certaine... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une certaine relation affective. On peut dire parenté même. C'est la latinité. C'est la latinité, voilà. Ouais. Alors donc, le premier sujet de cette série d'entretiens, c'est le 11 septembre. Mais les gens vont dire, oui, le 11 septembre, c'est pas en Amérique latine. Et oui, surtout pour les jeunes, hein, ceux qui n'ont pas connu... les années 70, ou ceux qui auraient entrepris un voyage intersidéral avant le mois d'août 73, le 11 septembre 1973, c'était un événement majeur pour l'Amérique latine. Oui, tout à fait, parce que c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est un cycle qu'on a appelé l'ère des brasiers en Amérique latine, qui commence avec la révolution cubaine, donc en 1959, et qui s'exprime par une espèce de phase d'ébullition sociale et politique très importante dans toute l'Amérique latine, donc depuis le début des années 60 jusqu'au milieu des années 70. On peut noter d'ailleurs qu'au Québec aussi, on est passé par des phases, un peu une phase d'ébullition sociale, de bouillonnement de tout type, là, notamment au moment d'octobre, des événements d'octobre 70, etc., le manifeste du FLQ. Donc on retrouve quelque part, non seulement en Amérique latine, mais dans le monde entier, une période d'ébullition sociale qui s'exprime par la multiplication des grèves, le développement de partis de gauche, le renforcement des syndicats, l'accroissement d'espaces démocratiques, hein, un peu partout, et en particulier en Amérique latine. Le Chili est un pays un peu particulier en Amérique latine, je me trompe? Oui. Beaucoup plus européen peut-être que les autres. C'est ça, parce qu'il est dans le cône sud, et il ressemble en cela un peu à l'Argentine aussi, à l'Uruguay. Effectivement, il y a un côté plus européen que par exemple le Pérou ou la Bolivie, mais quand même, malgré tout, tous ces pays latino-américains obéissent un peu au même rythme de fond, hein, au même rythme de fond, qui fait que pendant toute cette période, il y a... une aspiration très très forte, surtout dans les secteurs populaires, pour des transformations sociales très importantes, et puis pour un petit peu suivre la trace de Cuba. C'est un peu cette idée qu'on peut arriver à transformer le monde et à le rendre plus juste et plus égal, et d'une certaine manière aussi à s'avancer vers des solutions de type socialiste. À cette époque-là, on croit encore beaucoup au socialisme. Penser qu'en France, à cette époque-là, c'est le programme du Front commun, cette idée que le Parti socialiste, le Parti communiste français peuvent s'unir pour, etc., développer un programme commun de gouvernement. Donc c'est un peu dans l'air du temps, hein, non seulement en Amérique latine, mais en Europe et ailleurs, un peu partout dans le monde. Parlons du 11 septembre comme tel. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 1973? Alors justement, le 11 septembre, c'est comme un arrêt brutal, un coup d'État militaire, perpétré par l'ensemble des forces armées, dirigé, on le verra plus tard, par un général à poigne qui était le général Pinochet, des forces de l'armée de terre. Mais disons, c'est le corps des forces armées chiliennes qui décide de prendre le pouvoir, soutenu par les États-Unis d'Amérique, aussi appuyé par toutes les grandes fortunes chiliennes, par toutes les forces conservatrices du pays, et qui veut mettre un terme à cette ébullition sociale qui, au Chili, avait pris la forme, entre 70 et 73, d'un gouvernement de l'unité populaire. Un gouvernement dirigé par un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelait le docteur Salvador Allende. Et c'était un gouvernement, Salvador Allende était lui-même socialiste, marxiste, il se définissait comme ça, et qui aspirait à mettre en place au Chili toute une série de mesures de type socialiste, à commencer dès 71, hein, il prend le pouvoir en en septembre 70, et dès 71, il décide de nationaliser sans indemnisation, même pas Chavez fait ça aujourd'hui, sans indemnisation, les mines de cuivre du Chili qui étaient la grande ressource. Et ce sont toutes des entreprises américaines qui possédaient, et donc on les nationalise, ce qui veut dire que la production, comme les revenus de cette production, reviennent dorénavant à l'État chilien. Il y a aussi la nationalisation du système bancaire, il y a eu une amélioration des conditions de vie des gens les plus démunis. Donc c'est des transformations en 3 ans très très importantes en termes sociaux et qui expriment, qui rendent compte un peu de cette ébullition sociale du moment et qui se termine d'ailleurs au Chili en l'année 73. Il y a la formation de ce qu'on appelle des cordons ouvriers, c'est-à-dire des organisations ouvrières qui cherchent à prendre le contrôle de leurs entreprises, donc à contester le droit de gérance entrepreneuriale et à développer un véritable pouvoir populaire. Donc il y a une espèce de fébrilité, de fièvre, de foi, d'espérance, un espèce de nouveau monde possible, beaucoup plus social, etc., qui rompt avec l'ordre. L'ordre dominant en Amérique latine. Et donc, les forces armées interviennent, le corps des forces conservatrices interviennent pour briser ce mouvement. Et ce dont on se souvient et ce qui va marquer, c'est la force, la systématicité de cette répression. Alors, ça veut dire proche de 5 000 morts. On en reconnaît 3 000 officiellement, mais probablement plus. 5 000 morts dans les premiers jours, 150 000 prisonniers, 1 500 détenus disparus, des gens torturés. On le verra plus tard, mais on parle beaucoup de témoignages de cette époque-là aujourd'hui, là, dans les années 2013. 160 000 personnes qui sont obligées de s'exiler. Et puis l'instauration d'une dictature de sécurité nationale contrôlée par le corps des forces armées. Et qui en même temps, de manière très curieuse, alors qu'en termes politiques c'est la répression, c'est la suppression de toutes les libertés individuelles, en termes économiques au contraire, le général Pinochet va favoriser une politique de liberté absolue des marchés. Ce qui va... Oui, on parle des Chicago Boys, hein, l'école. Voilà. Il va aller chercher l'appui des économistes de Chicago, là, de l'université de Chicago, et ainsi développer ce qui va devenir le mode de régulation néolibéral. C'est la première fois qu'il est expérimenté au monde, c'est au Chili. Hein. Mm-hmm. Ce modèle-là sera repris plus tard par les États-Unis à la fin des années 70, puis en France, puis en Grande-Bretagne, puis au Québec, particulièrement à partir des années 90. Mais c'est un modèle qui, pour la première fois, est expérimenté et qui consiste à privatiser les entreprises publiques, qui consiste à déréglementer la vie économique, qui consiste en gros aussi à mettre en place les principes de la monétarisation, de la gestion monétarisée de l'économie. Donc toutes des mesures qu'on connaît très bien aujourd'hui, dont on est accoutumé aujourd'hui, oui. Mais qui à l'époque était une véritable nouveauté, puisqu'à l'époque c'était le système keynésien, le mode d'organisation keynésienne de la production, de régulation économique qui était à l'époque dominant. Donc c'était un curieux mélange, une dictature d'un côté, aucune liberté en termes politiques et toute liberté en termes économiques. Oui. Voilà, c'est ça un peu le et ça a correspondu à une espèce de revirement, de basculement de toute la tendance en Amérique latine, parce que cette dictature chilienne, elle avait déjà été précédée par des dictatures au Brésil en 64, en Uruguay en 73, un juin un peu avant, puis en Argentine en 76, en Bolivie en 71. Donc c'est pas simplement la seule dictature qui s'installe à cette époque en Amérique latine, il y en a beaucoup, il y a toute une série de dictatures de sécurité nationale et qui vont correspondre, c'est ça qui est grave, c'est pour ça que c'est si important cet événement-là, c'est que ça va être le départ d'une époque de noirceur pour les mouvements sociaux d'origine populaire, une période extrêmement difficile de répression, de violence, d'atteinte systématique aux droits humains, de cruauté sans nom. Hein, ça c'est... Est-ce que le Chili s'est relevé de cette période noire, de cette période difficile? Alors il a mis très longtemps à se relever à cette époque. En 73-74, vous aviez encore des groupes syndicaux, populaires, politiques, des groupes révolutionnaires qui à ce moment-là ont dit on va continuer la lutte, on va se débarrasser de cette dictature, etc., mais qui ont eu toutes les peines du monde, ne serait-ce que se réorganiser un peu et surtout ne pas être à leur tour victime de la répression, et notamment celle de la police politique, de la DINA, et de la, bon, dirigée par le colonel Contreras, qui était d'une cruauté et craint extrêmement fortement dans tout le pays. Donc, au point de départ, ce coup d'État a représenté un véritable traumatisme et a installé la peur dans le cœur de la population pendant plusieurs générations. Mais justement, ça a changé tout récemment, de façon très claire, à la quatrième génération. La génération des étudiants qui se sont rebellés en 2011 dans tout le Chili et qui ont... Oui, parce qu'il y a eu un mouvement étudiant assez fort au Chili. Très important d'ailleurs, qui a stimulé le mouvement québécois une année plus tard, en 2012. Hein, il y a eu des contacts entre les dirigeants de ces deux mouvements-là. Et ce mouvement-là, quelque part, de façon tout à fait extraordinaire, s'est remis à manifester, à développer une contestation radicale, à rêver de ce que l'unité populaire n'était pas arrivée à faire, mais à vouloir le réinstaller dans le contexte des années 2013, de façon absolument tout à fait extraordinaire et même stupéfiante pour beaucoup d'observateurs, parce que pour la première fois, cette génération n'avait plus peur. Parce que la dictature, non seulement elle a tué des gens sur le moment, elle a brisé une expérience sociale comme celle de l'unité populaire, mais elle a installé la peur chez les gens. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé au Chili, travaillé comme journaliste, etc., on la voyait, on la sentait, cette peur-là. Et donc, elle a enfin disparu, mais au bout de la quatrième génération, et sans pour autant que cette quatrième génération ait oublié non plus cette expérience de Salvador Allende. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Moi, j'étais au Chili pour le 30e anniversaire, il y avait déjà eu beaucoup de commémorations, mais là, semble-t-il que pour le 40e anniversaire, en 2013, les commémorations sont extrêmement importantes, et beaucoup de gens qui n'avaient pas encore osé parler de leur expérience, qui n'avaient pas osé témoigner de tout ce qu'ils avaient vécu à cette époque, ont commencé à quelque part se lâcher, si je puis dire, à dire beaucoup de choses qui étaient cachées, qui étaient... Et là, on apprend que des jeunes de 17-18 ans avaient été torturés par les forces de la marine. On apprend des horreurs, littéralement des horreurs, mais qui, pour la première fois, sont publicisées, sont passent à la télévision, sont connues d'un large public. Et en même temps aussi, tous ceux qui ont soutenu le Salvador Allende à l'époque, qui s'en sont sortis, qui sont encore vivants, parlent un peu de cette époque, des tentatives, de toutes les avancées sociales qu'il y a eu à cette époque-là. Donc il y a véritablement... En fait, on s'aperçoit quand... c'est quelque chose qui est très intéressant, ça, c'est que quand, au temps présent, des gens vivent des processus de transformation sociale très importants, comme par exemple le mouvement étudiant chilien en 2011... Eh bien, ils ont tendance à aller chercher dans l'histoire, pour s'appuyer dans leur action présente, à aller chercher dans l'histoire des points de repère. Et les jeunes étudiants chiliens qui avaient dans la vingtaine et qui n'avaient jamais connu ces événements-là, juste on en avait entendu parler, sont allés chercher des références dans la pensée de Salvador Allende, dans la pensée des révolutionnaires de cette époque-là, notamment du mouvement révolutionnaire de cette époque-là. Alors c'est très intéressant. Oui. Dernière question, on pourrait en parler pendant des heures, mais bon, le temps file. Est-ce qu'aujourd'hui, un coup d'État serait possible au Chili? Alors ça, c'est difficile, hein, parce que cette période des coups d'État militaires, c'est quand même une période bien, bien ciblée, bien précise dans l'histoire, hein. Depuis cette période-là, c'est-à-dire depuis les années 70 jusqu'au milieu des années 80, où il y a eu beaucoup de dictatures de sécurité nationale qui ont laissé peu à peu la place à ce qu'on a appelé des démocraties sous tutelle militaire, où il était possible d'avoir un certain nombre de droits, on pouvait aller voter, de liberté, mais dans un cadre relativement restreint parce que les militaires continuaient à gouverner derrière le trône, en quelque sorte. Et là, depuis, je dirais, le début des années 2000, en Amérique latine, on rentre dans une troisième période qui n'est plus la période des démocraties sous tutelle militaire, mais qui est une période où, peu à peu, ces démocraties qui sont sorties des dictatures militaires cherchent à retrouver de nouveaux espaces. Et dans le contexte latino-américain, il y a trois pays qui cherchent, qui ont expérimenté un peu plus ces nouveaux espaces, c'est le Venezuela, la Bolivie et l'Équateur, et qui, dans ce sens-là... ont développé des politiques sociales, des politiques en direction des secteurs les plus défavorisés de la société, de type socialisant, disons, même si... Et on l'a vu ces dernières années, à chaque fois qu'ils ont mené des politiques un peu plus, je dirais, audacieuses, à chaque fois, il y a eu des tentatives de coup d'État. Chavez a connu un coup d'État en 2001. Même chose pour Coréa, même chose pour en Bolivie. Donc, dans ces trois pays-là, dès qu'il y a des mesures sociales qui cherchent à se mettre en place et qui tentent de toucher à la structure générale sociale, aux formes de la domination, à ce moment-là, la tentation... Oui. Dictatoriale pointe du nez ou est très proche. Alors le problème du Chili, c'est que le Chili est pas pour l'instant dirigé par un gouvernement, un président, c'est un président de droite qui est au pouvoir au Chili, donc qui est pas dans cette logique de transformation sociale en profondeur, et probablement celle qui est la mieux placée pour être la prochaine présidente, Michelle Bachelet, elle non plus n'est pas dans cette perspective, dans la perspective de Chavez ou de Coréa. Donc pour l'instant on ne peut pas dire qu'au Chili il y a ce risque là mais les militaires n'abandonnent pas pour autant la partie, au-delà même de tous les crimes qu'ils ont pu perpétrer, de toutes les condamnations qu'il y a pu avoir au Chili vis-à-vis de ces crimes là ben, merci beaucoup Pierre Mouterde, c'est des paroles encourageantes mais en même temps avec une certaine prudence, une certaine incertitude, souhaitons aux Chiliens qu'ils ne revivent pas une période aussi terrible que celle qui a débuté le 11 septembre 1973. Tout à fait. À une prochaine.